tout le monde, bienvenue sur la POC. Saison numéro 4, je vais gagner ton animateur et avec moi, Jerry Godbout! Salut, salut! Comment est-ce qu'il va? Ben alors, qui recommence en parlant, si on commence à en parler, ça fait du bien. Il y a des sentiments qui commencent à rentrer en moi, là. T'es comme un petit bourgeon au printemps, là. C'est ça. Tranquillement, c'est pas plein, vite. Les pétales s'ouvrent, puis tu vois que la vie revient, là. Ça fait du bien. On va avoir une année, je crois, très, très intense sur la POC. Beaucoup de choses à surveiller cette saison chez le Canadien de Montréal, mais aussi at large dans la Ligue nationale. Tu sais, il y a toute l'histoire des Olympiques, dossier qui n'est pas réglé encore pour Pyongyang. Est-ce que les joueurs de la Ligue nationale vont avoir le droit d'y aller ou non? Est-ce que dans la Ligue nationale, est-ce qu'on s'enligne vers un nouveau lockout? Le nouveau contrat de Carey Price? Tu sais, plein d'affaires qui vont nous tenir en haleine tout au long de la saison. En date d'aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre 2017. Donc, si vous nous écoutez dans le futur, nous vous saluons. Parce que, veux pas, le show va être mis en ligne le 15. Fait que il y a minimalement un petit délai. J'ai particulièrement, tu sais, dans mes sujets, j'en ai quelques-uns de mon cru, mais j'ai aussi lancé une invitation sur le Facebook de la POC pour avoir des sujets de la part du public, de la part de nos auditeurs. Et la réponse a été quand même très, très bonne. Donc, on va voir ces sujets-là venant de vous autres qu'on va adresser à la fin de l'émission. Mais avant, Jerry, je te déroule le tapis rouge et je t'invite à lancer la première discussion de la POC pour la saison 2017-2018. Ben moi, le premier sujet de discussion va être... En fait, c'est Bergevin qui nous l'a lancé en nous disant que... En fait, qu'il trouve que son équipe est mieux que l'année passée. Écoute, ça va être la première question de la saison 4. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Parce que on va se dire qu'en partant, il y a beaucoup de départs, sans oublier le départ du vétéran Markov à la défensive. Ça va probablement beaucoup paraître. Et quand je dis que Bergevin dit que son équipe est meilleure, c'est justement il voit sa défensive meilleure qu'elle est l'année dernière. Honnêtement, je suis pas sûr. Je vais vous énumérer rapidement, juste pour qu'on voit un portrait rapide de ce que la brigade défensive du Canadien devrait ressembler l'année prochaine. Sans nécessairement les mettre dans l'ordre, parce que vous allez voir que ça change absolument rien. On a Weber, ça c'est sans équivoque notre défenseur numéro 1. Ça, ouais. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Écoute, là-dessus, on s'assinera pas. Après ça, je te dirais que le top 3 défensif à Montréal, c'est bon, Weber, Petrie et Alzner. Ça fait partie d'un top 4. Bon, ce qui est mauvais dans le top 4, c'est qu'il y en a juste 3 qui peuvent occuper cette position-là. Parce que après ça, on a Schlemko. Tu sais, le fameux Schlemko, là, le joueur tant convoité. Oui. on a Jordy Benn qui est respectable. Mais ce n'est pas un top 4. Il va faire la job, mais encore là, ne remplit pas une chaise de top 4. Et je te dirais que la sixième place, pour moi, n'est pas certaine. Il y a beaucoup de monde qui voit Mark Streit aussi parce qu'il a été signé pour vraiment pas cher. Fait que pour moi, ce n'est pas une mauvaise signature en soi, mais c'est une signature de septième défenseur. Ce joueur-là n'est plus ce qu'il était. Je ne crois pas qu'il va faire des miracles à Montréal. Il n'a pas joué beaucoup de matchs en série avec les Pingouins. Je pense qu'il en a juste joué 3. Ça peut te donner un beau portrait de ce qu'est devenu Mark Streit. On a Davidson aussi, qu'on a acquis l'année passée contre David Dernay avec les Oilers d'Edmonton. C'est pas un gros char, ça non plus. On va se le dire tout de suite. Et moi, ma surprise, et encore là, j'espère, et on va voir ça au camp d'entraînement, est-ce que Yosun va être prêt pour faire le grand saut dans la Grande Ligue? Eh hey boy! Ben, c'est justement, eh hey boy! Donc, on n'est vraiment pas sûr. Fait en ce moment-là, les noms que je viens d'énumérer, c'est la brigade défensive du Canadien. Mais là, t'as oublié Gerabek aussi, qui arrive de la KHL. Ouais. Puis t'as oublié Joe Morrow aussi, qui est un défenseur de 24 ans qu'on a signé cet été. 24 ans, 650 000 sur le plafond salarial. C'est un contrat qui est one way. Et l'an passé, en 17 matchs avec Boston, 0 but, 1 passe pour 1 point, moins 4. Il a même joué dans la Ligue américaine. Juste pour faire un comparable, là. Joe Morrow, c'est un choix de première ronde en 2011, 23e au total. Nathan Beaulieu, la même année, choix numéro 17. Et lui, l'an passé, 28 points. Et on lui a montré la porte au plus call-eye. Ben c'est ça l'affaire. C'est qu'en fait, j'ai pas mentionné Joe Morrow parce que pour moi, on va jouer dans la Ligue américaine. Donc, vous allez voir plus souvent avec le Rocket de Laval qu'avec le Canadien de Montréal. Et Jerabek, ça, je vais mettre ma parenthèse assez rapidement là-dessus. Je comprends pas pourquoi que le monde trippe à ce point-là sur ce joueur-là. Pourquoi qu'il... Pas qu'il l'encense, parce que bien évidemment, il n'y a pas grand monde qui l'a vu jouer. Je l'ai pas plus vu jouer. Mais si vous pensez que Jerabek va devenir un sauveur ou un top 4 à Montréal, et honnêtement, s'il le devient, je vais être content, là. Je vais revenir sur ce que je viens de dire là. J'ai aucun problème à me dire que j'ai eu tort. Mais faut pas s'attendre à grand-chose de Jerabek. Moi, là, mon comparable, Jerabek, va être ce que Jerzy Sekatch a été pour le Canadien de Montréal. Ça fait beaucoup de sens. Fait qu'il faut pas trop capoter avec. Là. Les signatures KHL de joueurs qui ont pas de temps... Je dis pas qu'il n'y a pas eu de temps de succès là-bas. Sauf que la KHL et la LNH, c'est deux ligues très différentes. C'est pas le même niveau. On dit que c'était le 5e meilleur défenseur de la KHL. C'est grosso modo, là. Mais le style de jeu de la KHL versus la Ligue nationale, c'est tellement deux mondes que c'est dur de voir comment est-ce que ça va se transposer. Il y a des joueurs que le saut se fait très bien. Parlons de Radulov, mais tu sais qu'il avait déjà vécu l'expérience NHL avant. Et de l'autre côté, t'as l'inverse, comme tu parlais, c'est catch qui faisait bien, ça n'a pas fonctionné. Là, cette année, en termes de talent offensif, on va voir du côté de Vegas, qu'est-ce que Chepaillov va être capable de faire. On le sait pas, c'est pas du un pour un, là, le transfert de talent. Ça marche pas toujours bien, puis il y a des... À l'inverse, il y a des talents de la Ligue nationale que tu dis hey, « ça marchait vraiment pas ici » et qui transposent de l'autre côté et qui éclatent tout. Là. C'est pas le même style de hockey. Fait que c'est dur de dire « ah, ça va se transposer, c'est sûr ». Non, c'est pas le même ça marche. Non, vraiment pas. Tu sais, comme justement, tu viens de parler de Nathan Beaulieu qui a eu, moi, selon moi, il a eu une très bonne saison l'année passée. 28 points pour un joueur qui joue tout le temps sa troisième paire avec un défenseur différent à chaque fois. Moi, je trouve ça bon. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi. On a perdu aussi Alexei Yemelin, qui, malgré ses erreurs défensives qu'il répétait, avait quand même une bonne petite présence. Donc ça va manquer aux Canadiens. Puis surtout Andrei Markov, qui c'est le général depuis combien d'années à Montréal. Je dis pas que je suis content qu'il soit parti, mais en même temps... Je suis content du changement de garde. Moi, là, cette année, là, si tu échanges Thomas Plekanec, je vais être heureux. Tu n'as même pas eu à quel point. Puis ça va vraiment être un nouveau club. Parce que de plus en plus, si tu regardes, à part, mettons, certains joueurs, le club a vraiment changé depuis l'arrivée. Je dis pas nécessairement en mieux, mais il a vraiment changé depuis l'arrivée de Marc Bergevin. Puis moi, je pense que c'est ce que je voulais voir un peu. C'est son stock à lui qui va mettre le chandail du Canadien. Fait que ça, je commence à être content pour ça. Quand je dis que Bergevin, que d'après moi, il y a des souverains de bouteilles dans face pour pas voir à ce point-là sa brigade défensive. Parce que quand il dit qu'elle est meilleure, moi, je suis pas tant d'accord. Mais en même temps, si on peut faire un comparable, je dis pas que la brigade défensive est pareille, mais la brigade défensive des Penguins de Pittsburgh, pendant les playoffs, c'était pas non plus si magique, je pourrais dire, dans le sens que, bon, le Christopher Letang qui ne jouait pas, on va se le dire que c'est leur meilleur défenseur. Sinon, après ça, t'as pas de Shea Weber dans cette équipe-là, là, en ce moment-là. Puis t'avais non, pas c'est de... sûr. t'avais pas de Markov non plus, qui, selon moi, Markov était quand même très bon. S'il aurait été dans l'alignement des Penguins de Pittsburgh, ça aurait probablement été le meilleur défenseur, même avec son âge. Je dis pas qu'il y a des mauvais défenseurs avec les Penguins de Pittsburgh, sauf que la brigade défensive l'année passée, pendant les playoffs, c'était Justin Schultz, Oli Mata, qui est un très bon jeune défenseur, mais c'est un prospect top 4. T'sais. Ouais, mais c'est un gars qui a dû traverser un cancer aussi, donc il a été ralenti dans sa progression. Ah. Sans la maladie, serait probablement déjà pas mal meilleur qu'il est en ce moment. Là. Oui, ça c'est sûr, mais la réalité veut que quand même, c'est pas un si gros défenseur que ça. Ouais. Ian Cole, Brian Dumoulin, Ron Hintze puis Trevor Daley. Mm-hmm. Fait le comparable entre les deux brigades défensives, ça peut être quand même semblable. Moi, personnellement, à Montréal, Weber, bon, mon amour pour Weber, vous la connaissez. Carl Alzner, moi, toi, je sais que t'es pas vraiment... Tu capotes pas tant avec cette signature-là. Ben, moi, c'est le nombre d'années, tu sais. Oui. Le contrat en tant que tel, le montant, rendu là, c'était probablement dans le top 5 des meilleurs défenseurs qui étaient disponibles chez les UFA. On avait besoin de défenseurs. OK, je suis capable de vivre avec. Mais le jour 1 du marché des joueurs autonomes sans compensation, il y avait deux joueurs qui avaient eu plus de 5 ans et plus de contrats. Puis Osner était un des deux. C'est pas normal. C'est beaucoup non. trop long pour le type de défenseur. Osner, là, sans vouloir être réducteur envers lui, puis sans vouloir c'est que je me fasse tirer des roches, Josh Georges, c'est un excellent comparable pour ce que Osner peut amener dans une brigade défensive. On s'est débarrassé il y a quelques années de Georges. Pourquoi? Parce qu'il coûtait trop cher pour ce que ce type de défenseur-là, stay at home, défensif, bloqueur de tir, et amène dans une brigade. Puis là, tu es en train de me dire que, ben écoute, on paye Osner 5 ans pendant un montant au-dessus de 5 millions. Je comprends pas comment tu peux trouver que ce calcul-là fait du sens pour ton club. Peut-être que Osner fit plus dans la mentalité de Marc Bergevin et Claude Julien. Ça, je pourrais pas le savoir en tant que tel. Peut-être. Mais j'ai dit plus de 5 millions et tu as 4,65. Ouais, c'est 5 ans dans le fond qui a été signé, c'est ça. Mais bon, on peut arrondir à 5 millions, c'est pas la fin du monde. Mais le 5 ans, puis Carl Osner, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un gars que à Washington l'an passé en série n'a pas terminé dans le top 4 et qui l'a lui-même dit en entrevue qu'à la maison chez eux, c'est pas lui qui ouvre les cannes de bine et ces affaires-là. Il est pas capable de serrer les poings assez pour pouvoir ouvrir des cannes. C'est lui qui a dit ça en entrevue. À un moment donné, tu sais, au hockey, si tu ne tiens pas un bâton avec tes mains, j'espère que quoi tu vas le tenir. C'est bien beau arrêter des tirs avec. Mais faut minimalement que tu contrôles un bâton puis une rondelle puis que tu sois capable de faire des passes puis des tirs pour être efficace. Là. Non, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est Brendan Gallagher non plus, d'après moi, il est plus capable de faire ça. Ben, puis là, on va le garder pareil. Ben justement, on devrait peut-être l'échanger avant que tout le monde se rende compte qu'il est brisé. Là. Non, ça, je suis d'accord. Mais quand même, je veux dire, en même temps, on va voir ce que ça va donner à Montréal. Peut-être qu'on va... notre fusil va changer d'épaule carrément. Finalement, ça marche dans le système de jeu à Claude Julien. Très bon défenseur, puis il fait la job. T'sais. Surtout qu'il va probablement être jumelé sur la deuxième barre avec Petrie, qui, selon moi, d'après moi, cette année, devrait avoir une très bonne saison. Je sais même que dans les coulisses aussi, on avait parlé comme quoi que... Il y a beaucoup de facteurs qui mettent en sorte que ça va vraiment être une des meilleures saisons. Ça devient un peu ton défenseur offensif aussi, là. Veux pas. Fait que c'est sûrement lui qui va aller sur le power play. T'sais, il va probablement prendre plus de place parce que Markov et Beaulieu sont partis. Ça va jouer en ligne de compte pour lui. Sinon, si tu regardes la défensive qu'on a présentement, justement, tu as juste Petrie qui est vraiment offensif. Donc, c'est une défensive qui est vraiment défensif. Le petit bémol que je trouve là-dessus, c'est que j'ai le feeling que Bergevin il a comme pas catché que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, ce que ça te prend, c'est des défenseurs qui sont capables de relancer l'attaque. Ben beau que Carey Price est capable de le faire, c'est pas lui qui va tout le temps le faire. Puis présentement, dans l'alignement défensif qu'on a, oui, ok, ça va bloquer des shots à côté, ça va plaquer, ça va arrêter le jeu, mais je ne vois aucune relance de l'attaque, ce qui, d'après moi, va être un peu mauvais pour le Canadien. Déjà que l'attaque, on va en parler un peu tantôt, là. L'attaque avait de la misère l'année passée, puis on avait une relance. Fait que je vous laisse deviner ce que ça va donner cette année. Mm-hmm. Ça va être vraiment moins bon. Ouais. Ce qu'il faut noter aussi là, avec la défensive, c'est que souvent, là, j'ai entendu des gens dire « Ouais, mais les Pingouins ont été capables de gagner la Coupe avec une défensive plus coordinaire. » Oui, t'as raison, t'as tout à fait. Écoute, si tu veux utiliser ça comme comparable pour te dire que c'est pas un problème, pas de trouble. Mais c'est parce que tu évacues le fait que l'attaque est diamétralement opposée. L'attaque des Pingouins, c'est loin d'être que l'attaque du Canadien est. Puis, on a eu aussi l'autre commentaire, c'est que, ben écoute, Claude Julien est habitué de travailler avec une défensive qui travaille en comité, puis qui est ordinaire. OK, ouais, mais est-ce que l'attaque des Bruins est meilleure que l'attaque du Canadien? Je pense que, écoute... Ben, elle l'était. C'est comparable plus, là. Non, ça c'est sûr. Non, mais c'est pour ça que quand j'ai amené le comparable avec Pittsburgh, je parle de l'attaque, justement, pour dire que là-bas, probablement aussi que Justin Schultz, c'est beaucoup plus offensif. Olimata, qui moi je trouve qu'il est pas pareil, mais il est un peu dans le moule de Christopher Letang. Puis il apprend aussi de Christopher Letang, on va se le dire. Ouais. Fait que c'est un peu le même moule. Fait que t'as, déjà en partant, t'as deux défenseurs qui sont très offensifs. Dumoulin, Ian Cole puis tous les autres, c'est vraiment des joueurs qui sont vraiment plus terre à tombe. Fait que t'es capable quand même d'équilibrer. Tandis que là, cette année, ce qu'on a, c'est Petrie. Tu sais, à moins que Weber se découvre un talent de relance d'attaque, ce que personnellement, j'adore Weber, mais je ne crois pas que c'est sa job. Il a jamais vraiment fonctionné comme ça aussi. D'où le pourquoi c'était Markov qui faisait sortie, tu sais. Puis on l'a vu aussi avec Emeline dans le temps, c'était pas Emeline qui était bon. Puis quand je jouais avec Weber, ben ça donnait pas une très bonne relance d'attaque, tu sais. Fait que... Puis tu remarqueras que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, c'est s'il y a bien une affaire qui est importante, c'est la vitesse à laquelle tu es capable d'effectuer ta relance. C'est ce qui va faire en sorte que, arrivé en zone centrale, tu es capable de mettre de la pression sur les défenseurs et rentrer dans la zone offensive avec les défenseurs qui sont sur les talons et qui peuvent faire des erreurs et après ça pouvoir t'installer. Sinon, quand tu as une relance qui est trop lente, c'est quoi ton option pour essayer de créer des erreurs chez les défenseurs adverses? Ben, c'est de faire du dump and chase. Faire tourner les défenseurs, les faire pivoter pour qu'ils deviennent dos au jeu. Et après ça, tenter de récupérer la rondelle et t'installer en fond de territoire. Le Canadien de Montréal, l'an passé, puis ça fait quelques saisons que c'est comme ça, c'est la formation qui génère le plus de revirements. Parce que le dump and chase, c'est un revirement. Tu donnes l'occasion à l'adversaire de récupérer la rondelle. Puis à ce que je sache, dans la Ligue nationale, il n'y a pas grand but qui se compte si tu n'es pas en possession de la rondelle. Non, c'est faut que tu l'aies, la rondelle. Mais c'est pour ça aussi que quand je disais que Davidson et Yolson, d'après moi, vont probablement se battre pour un poste. Yolson est quand même offensif. Je sais que son jeu a peut-être un peu changé dans le junior, puis tous les trucs comme ça. Mais il a quand même un caractère offensif inné, je crois. Puis Davidson nous était vanté un peu comme un défenseur offensif. Fait que ça reste à voir ce que ça va donner aussi à Montréal. Puis tu sais, on s'entend que dans le camp d'entraînement, t'as tout le temps les surprises. Il y a tout le temps un joueur qui pop de quelque part. Puis peut-être que finalement, Schlemko va être le joueur offensif qu'on attendait à la défense. J'ai des gros doutes. On va mettre ça en parenthèse. Mais on ne sait pas ce que ça va te donner. Mais tu sais, comme je sais même pas si c'était officiel. Ça, tu vas peut-être me le dire. Mais Schlemko aurait été confirmé qu'il allait jouer avec Weber. C'est la rumeur qui circule comme quoi c'est le gars qu'on voit pour évoluer avec lui. Moi, j'ai une question. Pourquoi? Je vais te poser la question inverse. Pourquoi pas? Parce que regarde l'alignement du Canadien de Montréal, puis qui peut vraiment cadrer avec... C'est ça. Tu sais, quand on parlait, encore une fois, j'en reviens sur l'échange... On parlait de l'échange Subban-Weber. Je te disais, même si chez Weber est meilleur là, le problème est que chez Weber n'est pas un défenseur qui est capable de s'adapter à son coéquipier. il doit avoir quelqu'un qui est capable de combler ses lacunes. Parce que Shea Weber a des très, très grandes lacunes. La relance, c'est pas sa force. L'offensive, oui, il a son boulet de canon sur le power play, mais c'est pas lui qui va être en mesure d'effectuer une relance rapide de l'attaque. Ça peut pas passer par lui. Donc, ça lui prend un défenseur qui est extrêmement mobile avec lui. Et c'est pas mal plus difficile de trouver un défenseur mobile d'élite dans la Ligue nationale que de trouver un défenseur stay-at-home d'élite dans la Ligue nationale. Ce que Shea Weber est particulièrement. Donc, est-ce que Subban t'offrait plus de versatilité, plus de coéquipiers avec qui il est en mesure de jouer? Oui. Ouais, parce qu'il y a plus de défenseurs défensifs dans la Ligue nationale que de défenseurs offensifs. Et oui. Surtout de talent. Puis c'est les défenseurs qui sont le plus facilement retrouvables sur le marché des transactions parce que c'est ceux qui sont les moins flashy. Donc c'est pas eux qui sont les plus payants pour les clubs. Donc tu peux en dénicher plus facilement. Tant qu'à moi, là, c'est. Tu sais, des Osner, t'en trouves là, sur le marché des transactions. T'as moyen de trouver l'équivalent. Mais des Subban, essaye de trouver ça sur le marché des transactions, t'en as pas énormément. Ce qui fait en sorte que depuis deux saisons, la question se pose, qui va être en mesure de jouer avec Shea Weber? Ben. Et à toutes les fois, on a un gros point d'interrogation. Puis l'an passé, surprise, c'était Emeline pendant un certain laps de temps. À un moment donné, il n'était plus capable parce qu'on lui demandait de se sortir de son style pour combler les lacunes de Shea Weber. Du temps de Subban, s'il y a bien une affaire qu'on se demandait pas, c'est est-ce que quelqu'un qui est capable de jouer avec lui? Jamais on se demandait ça. Jamais. Mm-hmm. On se demandait quelle erreur Subban va créer. Mais ça, si t'as la rondelle, si tu oses des jeux, ça arrive de faire des erreurs. La force de Shea Weber, c'est qu'il en fait pas d'erreurs parce que c'est probablement le gars qui joue le plus de minutes qui est le moins en possession de rondelles souvent. Ouais, c'est ça. Ben, le fait qu'il est très défensif puis qu'il va jouer l'homme en tant que tel, le contact de rondelle est assez rare. Là. Donc, les risques d'erreurs sont minimales. Non, c'est totalement d'accord. C'est probablement. Shea Weber reste, selon moi, le meilleur défenseur défensif de la Ligue nationale, même s'il ralentit. Mais qui est la relance. Puis plus il va ralentir, plus la question qui est capable de jouer avec Weber va être importante. Ben, Nathan Beaulieu aurait pu. Mais c'est pas qu'on l'a pu. Tout à fait. Et on lui a pas donné une vraie chance d'essayer de combler ce rôle-là. Pis imagine si on lui aurait donné une vraie chance, il aurait peut-être fait plus que 28 points. Possiblement, imagine. Donc, moi, ce que j'espère, c'est... Écoute, tu parlais d'un arrivé du champ gauche. Moi, ce que j'espère, celui que je vois avec le style le plus près de celui d'un défenseur qui cadre bien à la gauche de chez Weber, c'est Gerabek, qui est un défenseur qui génère de l'offensive, qui manipule la rondelle. Mais comme je t'ai dit, le talent KHL, avec le style de jeu là-bas, ne s'applique pas. C'est pas transposable, c'est pas direct, là. Donc, il y aura une adaptation. Puis après ça, c'est Yulson, comme tu disais. Puis après ça, ben, tu recules avec Strait. Mais tu veux-tu vraiment miser sur un duo de défenseurs, Strait et Weber? Puis honnêtement, si ça marche, tant mieux. Mais je suis tellement pas convaincu, là, pour vrai, là. Ça a même pas. Mark Streit, là, a pas fini l'année à Pittsburgh. Il a joué 3 matchs dans les playoffs. Moi, je m'excuse, mais si t'es en vue de vouloir gagner une Coupe Stanley, puis tu veux créer de quoi, c'est sûr que là-bas, ils ont plus d'offensives qu'à Montréal. Faut pas se leurrer qu'ils ont Crosby, ils ont Kessel, ils ont Malkin, il y avait Kunitz. Tu sais, il y a du stock qui est capable de la mettre dedans. Nous autres, on a beaucoup moins. Fait que Mark Streit, pour nous, va peut-être être plus utile, mais reste que il est vieux, là. Il commence à donner vieux vraiment beaucoup. Si les gens trouvent que Shea Weber est vieux, ben Mark Streit est un homme des cavernes tellement qu'il est vieux, là. Je veux dire, c'est 7 ans de différence, là. Ben, c'est énorme. C'est énorme, là. Le monde chiale, Shea Weber, 32 ans, il est vieux. Wow! Mark Streit a 39, je pense, là. Mm-hmm. C'est vieux. Puis tu sais, on dit Schlemko comme meilleure option. Du moins, c'est ce que le Canadien semble avancer. Dans les dernières saisons, en fait, sa meilleure production offensive dans la Ligue nationale, c'est 19 points d'une saison. Est-ce que c'est vraiment un défenseur offensif? Et un défenseur qui mérite d'office le poste de défenseur numéro 2, comme on semble dire que Schlemko est censé avoir. Est-ce que c'est normal que dans les trois dernières saisons, il ait fait 1, 2, 3, 4, 5 clubs de la Ligue nationale et un club de la Ligue américaine? Il y a anguille sous roche quelque part. Là. Mais moi, la meilleure citation sur David Schlemko appartient à Bob Hartley, qui a fait au 919 Sport. Et c'est « Si tu mets Schlemko, ben, ça se veut... » Je la traduis rapidement, mettons. Si tu mets Schlemko, ça va mes pères, c'est parce qu'il t'a montré quelque chose qu'il nous a pas montré. Bob Hartley l'a coaché pendant une trentaine de matchs, là. C'est pas une saison complète, mais je pense que c'est quand même un peu de quoi qu'il parle, là. Ouais. Fait que j'ai dit ça de même. Puis, moi, ce que je trouve particulièrement drôle avec. excuse-moi, avec ce qui se passe avec le Canadien de Montréal, c'est que à toutes les fois que l'équipe acquiert un joueur, c'est. Écoute, c'est le dude qui a inventé le bouton à quatre trous. Là. C'est la meilleure merveille disponible sur le marché. C'est la vedette. Ça arrive, c'est une nouvelle vedette. Ouais. Et là, t'as tranquillement, pas vite, des gens qui vont sortir un petit peu des sentiers battus avec des commentaires autres. Exemple, là, tu viens de parler de Hartley, qui va de... Hey, tu sais, s'il pourrait être un défenseur numéro 2, il va vous montrer de quoi que nous autres, il nous a pas montré. Là. Puis, il y avait pas moins de raisons à Schlemko de performer quand il était à Calgary qu'il y en a du côté de Montréal. Tu sais, il n'y a pas de raison quoi qu'il aurait mis le pied sur la pédale là-bas puis pas ici. Et, ben dans ces commentaires-là qui commencent à sortir, ben t'as aussi Vincent Le Cavalier qui a joué avec Schlemko. Ah, ça, je m'en souviens pas... Je sais qu'il a dit quelque chose, mais je sais pas ce qu'il a dit. Lui non plus, il est pas tellement confiant. Là. En fait, il a dit qu'il a. En fait, il a pas joué avec. Il a affronté Schlemko pendant cette saison. Puis lui, il ne le voit même pas comme un défenseur top 4 défensif. Donc encore moins un défenseur offensif numéro 2. Là. Non, c'est ça. En fait, c'est un bon 6-7 comme Mark Stripe, comme Joe Morrow, comme Davidson. Comme Jordy Benn, tu sais, je veux dire. C'est sûr que Jordy Benn, lui, a une crise bonne fin de saison à Montréal, puis il s'est arrangé pour se faire aimer à Montréal. Puis j'adore Jordy Benn, j'adore son style, mais en même temps, il est pas dans une chaise qui devrait pas être. Il joue sa troisième paire, puis c'est bien correct comme ça, tu sais. Mm-hmm. Il en fait pas plus, puis il fait ce qu'il a à faire, puis c'est ce qu'on lui demande. Mais là, t'arrives avec Schlemko, puis tu me dis, hey, c'est ton défenseur numéro 2! J'ai un peu de misère avec ça. T'sais, en fait, on n'a pas de défenseur numéro 2 présentement. Là. Non. On a un 1, on a un 3, puis on a un 4. On a une bunch de dudes qui espèrent faire le club. C'est ça. Dont un qui va se ramasser numéro 2 dans le lot. Ouais, non, c'est ça. Mais puis comme je dis pas que la défensive du Canadien va être mauvaise. Je dis pas que... Moi, je le dis. Ouais, ben, ouais. En tout cas, elle n'est pas aussi bonne que Bergevin pense qu'elle l'est. Mais reste quand même que j'espère avoir des surprises. J'espère qu'un Yosun va sortir du lot puis nous montrer quelque chose. Faire « Ta, ben ouais, ok, ben lâche-les. Vas-y, puis laisse-les jouer. » J'espère. Mais je vous le dis tout de suite, faites-vous pas trop d'attente. Là. Je veux dire, à part chez Weber, Petrie, puis Osner, puis encore là, Osner, on n'est pas sûr. C'est ça. Tu sais, c'est... Faites-vous pas trop d'attente. Puis... Là où est-ce que... Tu sais, toi, tu dis « J'espère avoir une surprise. » Moi, je vais te dire « Il y a déjà 8 défenseurs avec des contrats NHL. » Fait qu'il n'y aura pas grande surprise. Le Canadien de Montréal vise pas à avoir une surprise. Quand tu as un dude là, dans Mir, tu dis « Lui, là, il y a un poste à perdre. » Yulson, ça pourrait être ça. On dit « Il est prêt. Faut qu'il nous prouve qu'il est prêt. Sinon, il va perdre son poste. » Tu mets pas 8 ouais. défenseurs signés, là. Non, c'est sûr, mais en même temps, on va se le dire tout de suite, là, il y a du stock qui peut aller au balotage puis qu'on s'en calisse pas mal. Là. Ben oui. Moi, Mark Streit, tu le mets au balotage puis il descend en bas puis il est pas longtemps, mais regarde, va-t'en à Berne, la garantie, on va s'arranger comme ça. Là. Même Joe Morrow, je me souviens pas c'est quoi son contrat, je suis sûrement qu'il est one-way, j'imagine. C'est un one-way, oui. Bon, c'est ça, lui tout, probablement que si tu le droppes en bas puis qu'il s'est pas pogné au balotage, ben va jouer à Laval, le grand, tu sais. Davidson, à la limite, lui, je pense qu'il pourrait peut-être se faire prendre au balotage parce que on dirait qu'il y a quand même une aura de prospect qui peut être quand même attrayante. Mais reste que... Tu sais, toute la bunch, la batch de joueurs qui se bat pour un poste de 6-7, je pense que ça peut passer au ballotage, puis on s'en sacle un peu. Oui, oui, vraiment. Faut mais, quand même pas mais, oublier que le Canadien a 8,4 millions de disponibles. Ah, écoute, on va reparler un petit peu plus tard. Oui, garde ça sur le rôle du 8,4 millions, là, mais c'est pas à ce temps-ci que tu dépenses 8,4 millions, c'est une pépite d'or, là. C'est pas non, vrai, mais tu peux faire un pas mal de gros trades. Ouais, mais faut que tu donnes pour recevoir. En tout cas, on revient de... Je veux juste rester encore un petit peu sur le sujet de la défensive, puis complètement, tu sais, extrême champ gauche, là. S'il y a un gars qui, dans l'organigramme du Canadien de Montréal, qui est parfaitement fait pour être un défenseur offensif, vitesse, possession de rondelle, flair offensif, c'est Victor Mety. Gardez ça en mémoire, il n'est pas prêt là. Ça serait extrêmement surprenant qu'il réussisse à faire ses classes jusqu'à arriver à Montréal cette année. Mais ce petit gars-là, qui, écoute, il est minuscule. Il a du flair. Il a ce qu'il faut pour avoir du succès offensivement dans la Ligue nationale. Reste à peaufiner tout le restant de son jeu. Reste quand même qu'il est 5 pieds 9. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Mais s'il y en a un qui peut le protéger de ce côté-là, c'est bien Weber. Mais il n'est pas prêt pour ça. Non, c'est... Je ouais. parle de offensivement parlant. Celui-là qui a les caractéristiques, là, le style de jeu pour fitter parfaitement avec Weber, c'est celui qui s'en rapproche le plus. Mais il est trop loin de la Ligue nationale pour, y arriver, pour pouvoir combler le poste. Là. Okay. C'est dire comment est-ce que le deep chart du Canadien en défensive n'est pas écœurant. Là. Ouais. Sans vouloir diminuer Victor Mety. Les deux meilleurs espoirs en défensive, c'est Mety puis Hjulsson. C'est pas la meilleure relève là, dans la Ligue nationale, c'est clair. Ben, t'as oublié Zach Redmond? Oui, ben oui. Je passe mon temps à l'oublier. Je pense que sa mère l'oublie aussi. Ouais, mais tu sais, même encore là, justement, je regarde vite fait la défensive pour le Laval, le Rocket de Laval. Cormina puis des doutes de même. Là. Ça, c'est Hjulsson puis Mety d'abord. Oui, parce que tout à fait. C'est pas Henley puis Learnout qui vont porter le club, tu sais. Non, mais comme je te dis, Matt Tormina, qui est genre un joueur étoile de la Ligue américaine, lui va être comme le numéro 1, voire numéro 2 de la défensive à Laval. Ben, tu vois que présentement sur leur site internet, il est même pas là. Non, c'est ça. Il a été signé. Écoute, ils ont donné un two-way, si je me trompe pas, là, mais... C'est vraiment un contrat... non, même pas, c'est un one-way. Mais il va jouer dans la Ligue américaine, anyway. Là. Mais, tu sais, c'est un gars qui est genre joueur étoile défensif dans la Ligue américaine, mais qui va passer sa carrière-là parce que ça n'a jamais marché de monter de niveau. Je voulais te poser une question. Puis ça, c'est... Je pense que si ta réponse est négative à ça... et que tu as la même impression que moi, ça pourrait changer le visage complètement de l'année du Canadien de Montréal. La question est la suivante. Je suis intrigué. Oui, je sais. J'ai construit ma phrase pour t'amener à être sur le bout de ton siège. La question est-ce que Marc Bergevin va vivre ou mourir avec les succès ou les insuccès de sa brigade défensive? Est-ce que c'est l'épée de Damoclès qui pèse sur ses épaules en ce moment, au-dessus de sa tête, et qui risque de l'écraser? C'est une maudite bonne question. Parce qu'il a fait un sapristi de ménage dans sa défensive. Il a pris des décisions ballsy. Tu sais, Drouin, on s'entend que ça va être payant en attaque, mais ça a quand même coupé le meilleur prospect en défensive de l'équipe. Le fait de... tu sais, la protection de Emeline ou non, c'est un gros choix. Ensuite, d'échanger Nathan Beaulieu, même si tout le monde voulait s'en débarrasser. Toi et moi, on est convaincus que c'était pas une bonne décision. La défensive du Canadien de Montréal, aujourd'hui, est un méga point d'interrogation. Donc, est-ce que Marc Bergevin va vivre avec cette défensive-là, ou il va mourir avec elle? Il va peut-être l'améliorer aussi. Il va peut-être faire autre chose. C'est pas fini. Peut-être. Peut-être, mais il me semble que c'est pas dans les camps d'entraînement que les grosses transactions qui viennent changer le visage d'une équipe surviennent. Et pour acquérir un gros défenseur, là, important, genre un numéro 2, c'est quoi ta monnaie d'échange? C'est Alex Galchenyuk? C'est ton choix de première ronde? Ouais, Patrick, mais en même temps, c'est, si tu enlèves ça, ben là, tu t'affaiblis à l'attaque, pis c'est pas ça. Ce qu'on veut. Exact. Donc, ta monnaie d'échange, théoriquement, c'est ton choix de première ronde. Ouais. Même s'il y a beaucoup de rumeurs que Galchenyuk est encore sur le marché, mais comme tu viens de dire, on affaiblirait l'attaque qui est déjà pas toute étoile. Donc, est-ce que enlever d'un côté pour remettre de l'autre, c'est un gain? Pas sûr. Ben, c'est sûr que... Ouais, moi, je pense qu'il va mourir avec. Là. Puis si ça marche vraiment pas... Ben, moi, je pense que cette année, il... Molson va peut-être être moins patient avec Bergevin. Tu sais, Therrien s'est fait renvoyer l'année passée, là, on a Claude Julien. Si ça marche pas, là, ça va être la faute à qui, tu sais? Puis justement, comme tu dis, le ménage a été fait par Bergevin un peu. Il a pas donné de contrat à Markov, il a pas protégé Emeline, il a échangé Beaulieu contre fuck all, là, c'est surtout ça qui est frustrant aussi. Mm-hmm. Puis, tu sais, oui, OK, il a fait Drouin, Jonathan Drouin, mais en même temps, en passant, moi, Jonathan Drouin, j'ai hâte en tabarouette de le voir jouer, mais t'enlèves Radulov, mets Drouin, t'améliores un peu ton attaque. Ta défensive, elle, est rendue, je sais pas, c'est... Ben, comme on en parle depuis tantôt, elle est très défensive, mais j'ai le feeling que ça marche pas tant que ça. Ben, moi, c'est pas compliqué. Je vais avoir une question à te poser tout de suite après, puis ça concerne les séries puis le Canadien de Montréal. Puis d'après moi, je suis pas sûr. Je suis zéro convaincu cette année pour vrai. Tu sais, je suis du genre à être très positif. Je le suis encore, mais. Si le Canadien fait pas les playoffs cette année, Bergevin, il y a... c'est une régression. Ben oui. Et une régression qui va mener à l'année prochaine. Ou est-ce que tu vas être encore plus monoté sur ton plafond salarial avec l'entrée en vigueur du nouveau contrat de Carey Price? Qui, en passant, je déteste ce contrat. Je n'aime pas le contrat de Carey Price. Mais on va en revenir, j'imagine. Mais oui, je pense qu'ils vont mourir avec ce... Avec cette brigade. En fait, il s'est arrangé, je pense, pour... Ben, peut-être pas s'arranger. Là. Je veux dire, on ne s'arrange pas pour perdre la job, là, mais dans le sens que... Je pense qu'il est au courant. Je pense qu'il est sur ses derniers milles. Ouais, vraiment. C'est, écoute, cette saison-ci, là, c'est garant de son avenir ou non. Là. Ouais, totalement. Il n'y aura pas 8000 chances. Là. Tu peux pas t'écraser comme, pas l'an passé, mais l'autre d'avant, l'année de, qui a permis de repêcher Seriachev. Tu peux pas t'écraser comme ça avec les mêmes éléments que tu as en place en ce moment. Tu sais, tu peux pas rater deux fois les séries en trois ans et te faire sortir en première ronde, c'est loin d'être un grand succès. Là. Tu peux pas te faire sortir rapidement de la course pour la Coupe Stanley trois ans de suite avec Shea Weber, Carey Price et Pacioretty dans leur prime. Puis Galchenyuk qui va peut-être être encore meilleur cette année. Parce qu'il faut pas oublier que l'année passée, il y a eu une Christy de bonne saison, même si les gens ne le voient pas comme ça. Mais c'est quand même pas ton noyau. Ton noyau, t'es trois éléments centraux. Oui. Ça reste Pacioretty, Weber et Price. Tu peux pas gaspiller trois ans de ces trois éléments-là, de leurs meilleures années, et t'en sortir indemne. C'est impossible. Ah, c'est censé être... C'est sûr. T'sais, si tu compares avec n'importe quelle formation qui ont gagné la Coupe Stanley, tu prends le top 3, puis le Canadien de Montréal est pas surclassé par les autres clubs, là. C'est pas vrai que le top 3 des Hawks est 8000 pieds en avant. Là. C'est pas vrai. Là. C'est pas vrai que le top 3 des Pingouins est 8 km en avant. Là. C'est pas vrai. Là. C'est pas vrai que le top 3, je vais tirer même la sauce, le top 3 des meilleurs joueurs du Canadien est si loin que ça du top 3 des meilleurs joueurs des Preds. C'est l'englobage, mm-hmm. c'est l'enrobage alentour qui est manquant. Mm-hmm. Puis que ça, c'est entre autres le travail de Marc Bergevin d'assembler une formation qui sera en mesure de maximiser les retombées positives de ton top 3. Là. tu sais, les mauvaises décisions commencent à s'accumuler là, pour Marc Bergevin. Ouais, de plus en plus. Regardons, là. Dans, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, t'as la signature du contrat de Tomáš Pekanec, qui est un boulet, qui a signé d'avance. Il s'est dépêché. Ça a vraiment pas. Dès qu'il l'a signé, il l'a regretté. Ensuite, il était cherché Andrew Shaw, qui jusqu'à maintenant n'a pas livré la marchandise. C'est pas vrai. Une semaine sur deux. Ouais, puis encore. Tu sais, Martinsen, King, le départ de Markov. Tu sais, il commence à avoir quelques décisions qui sont majeures pour cette équipe-là. Jusqu'à maintenant, Shea Weber a été bon pour le Canadien de Montréal, mais c'est le genre de décision qui, à long terme, puis je pense plus rapidement que... Tu sais, la finale de la Coupe Stanley des Preds, ça a fait mal là, à Marc Bergevin. Là. Ben, c'est sûr. Puis qui souvent, il était là. Et il a été partie prenante. C'était pas un passager là, dans ce train-là. Non, il est très, très bien joué. Ça, on peut pas enlever ça. Là. Puis d'après moi, Kisuban va être encore meilleur cette année. Je crois. C'est sûr qu'il va être meilleur. Là. Cet gars-là s'est habitué à sa nouvelle ville. Je veux pas qu'on éternise le duel, là, mais si Subban ne fait pas du 70 points cette année, il va être déçu. Tu y vois pas du revers de la main morte? Non, c'est pas vrai. Il y a 40 points en 66 matchs l'année passée. Tu y rajoutes environ une vingtaine de matchs possibles. Bon, peut-être pas autant, mais quand même. 70 points. Fait que Drouin, combien? Ah ben ça dépend à Drouin à Montréal. Drouin, pour moi, là, quand ça s'est arrivé, j'étais super heureux. Je suis vraiment content de l'arrivée d'un jeune joueur plein de potentiel. Je me contrefous qu'il soit québécois, honnêtement. Là. Mais ce jeune-là n'a pas atteint son plein potentiel offensif. L'année passée, 53 points. Dans une équipe qui, bon, peut-être un petit peu plus performante côté attaque que le Canadien de Montréal, mais reste quand même que si son côté passeur est mis vraiment à contribution et que Julien, comme le dit au tournoi de golf, ne veut pas le menotter, le laisser jouer à son plein talent, puis qu'il y a un Patcherly qui est capable d'en mettre dedans là, assez régulièrement. Je crois que lui, probablement, va s'avoisiner dans les 70 points aussi. Ce serait quand même assez solide à Montréal, parce que habituellement, quand tu atteins 70 points, c'est un peu comme un 100 points dans d'autres équipes, ça. Fait que je pense que je m'avance un peu en disant qu'il va frôler le 70. Ça va être la première année aussi que Patcherly va atteindre les 40 buts. Ça serait vraiment nice. Moi, j'y crois pas. Je pense que son vrai cap, c'est un marqueur de 35 buts. Il va falloir arrêter de croire que c'est un marqueur de 40. Là. Ben, il va peut-être le faire un moment donné, 40, puis c'est peut-être cette année, puis ben, ça va redescendre. Hein. Ouais, peut-être. Drouin, il est solide avec la rondelle. Là, en protection, mais il est jeune, mais il est quand même déjà assez solide en protection de rondelle. C'est un meilleur passeur que Radulov. Puis l'année passée, Radulov, Patcherly, c'était quand même assez solide. J'ai juste hâte de voir c'est qui vont mettre avec, parce que moi, je pense que Drouin va jouer au centre, Patcherly à gauche. Fait que ça te laisse un creux à droite. Moi, personnellement, je me fous de... Moi, je mettrais... Bon, il y a des spéculations probablement... pour Gallagher. Ouais, ben ça va sûrement être ça, parce que là, tu vas équilibrer ton premier trio. On a un de petits fatigants devant le net qui va chercher rondelle d'un coin. Tu vas avoir Jonathan Drouin qui va se promener partout en faisant des passes, puis t'as Patcherly qui va juste dégainer. Là. C'est quand même assez équilibré comme trio. Ouais, mais ça te donne... Écoute, le plus gros joueur de la ligue, c'est Patcher. Moi. Ouais, je suis totalement d'accord, mais en même temps, on verra que ça va donner sa glace. Moi, personnellement, je mettrais Galchenyuk, là, mais ça arrivera pas. Fait que, ben, tu sais, si c'est Galchenyuk, Lekkonen, ça a deux avec whatever key, là, tu veux, Paul Byron, moi, je suis capable de vivre avec aussi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les deux jouent au centre, Drouin et Galchenyuk. Ah, oh, mais ça arrivera pas. Je te le dis, ça arrivera pas. Mais non, je sais, je sais. Galchenyuk va jouer à droite. Je te jure, mon premier trio va être... Ben, le premier trio de Julien, ça va être Drouin au centre, Patrick à gauche et Gallagher, comme on vient de dire. Le deuxième trio, ça va probablement être Dano au centre. Pis si Chris Plekanec, là, je fende. Pour vrai, là, non. C'est non, faut pas faire ça, tu laisses troisième centre. Dernier est parti, il a donné sa chaise à Plekanec, OK? Faut... Dano, je ne souhaiterais pas qu'il soit ce deuxième centre, mais c'est Dano, pas Plekanec. Ça finit là. Puis tu vois justement Lekkonen, qui j'espère va continuer d'évoluer, parce que pour moi, c'est un joueur que j'ai vraiment appris à apprécier l'année passée. Puis tu vas probablement avoir un Gatchenk à droite, ce qui fait quand même un bon deuxième trio. C'est pas un top deuxième trio. Il y a du troisième trio qui est venu se placer dans ce deuxième trio-là. Mais ça serait assez solide. Moi, je peux. Écoute, Drouin, en entrevue, disait, je me rappelle pas à quelle antenne, avec qui il jasait, mais il disait: ah, écoute, moi, je joue au centre, pas de trouble, là. C'est, j'ai joué au centre toute ma carrière avant le junior. Ok. Hein? Quoi? Ouais, c'est parce que c'est McKinnon qui joue au centre. Ça fait combien d'années? Tu sais, ça fait longtemps, là. Puis. Ouais. Avant junior, là. Avant que les systèmes de jeu soient. Dans ton enseignement de hockey, je peux pas croire que Drouin est en avance en tant que joueur de centre sur Galchenyuk, là. Ben, je pense pas, là. Puis Galchenyuk, il y en a... Je pense, j'avais vu à TVA Sports, je pense, il y avait son père s'est fait interviewer, là, ou s'était fait questionner sur comment il voyait son fils, puis tout, là. Puis le père de Galchenyuk disait que, dans le fond, qui joue à l'aile ou au centre, il va jouer à l'attaque pareil. Je dis, une fois que la rondelle est droppée, c'est des attaquants, là. Fait que je suis pas à 100% d'accord, dans le sens que, bon, il peut avoir un côté plus défensif pour le joueur de centre, mais reste quand même que Galchenyuk, je pense, il a joué comme 40 matchs où il avait joué comme centre 2 mois de suite. Puis il avait enfilé genre comme 16 buts. Là. C'était son gros pic offensif. Puis il jouait au centre. Fait que, tu sais, oui, OK, il gagne pas tant de mises en jeu que ça a l'air que c'est tellement important. Là. Mais il est capable de jouer au centre. Puis ça allait bien dans le temps quand il jouait au centre avec un Radulov ou il jouait avec Patchery un moment donné. Ça, je comprends juste pas pourquoi ils l'ont enlevé puis qu'ils ont pas vouloir à vouloir le remettre à cette position-là. Mais on verra. Non, je comprends pas non plus cette volonté de vouloir absolument qu'il ne soit pas perçu comme un joueur de centre. Je comprends juste pas. Tu sais, à la limite, si ça serait Galchenyuk qui dirait « je veux pas jouer au centre », bon, d'un, ça serait plate en maudit, mais il reste quand même que ça se peut. Puis, est-ce que c'est ce qui a été dit derrière les portes? J'ai aucune idée. Mais je comprendrais pas parce que probablement que ses stats au centre sont meilleures que les stats à l'aile. Ouais. Genre, si on trouverait un tableau comparatif qui. Les points qu'il a fait au centre, le nombre de points par match est probablement supérieur au match qu'il a joué à l'aile. Bon, OK, il a joué plus de matchs à l'aile. Mais reste quand même que. Je crois qu'il est plus performant au centre. Sa production de points par match, j'ai déjà vu ça passer, puis oui, c'était mieux au centre. Fait que je comprends pas. Je comprends pas. Non, moi non plus. Mais c'est ça, c'est un beau rêve. Drouin au centre, puis Galchenyuk aussi, ça réglerait le problème. T'sais. Les deux premiers trios seraient corrects. Ça permettrait de mettre Dano sur la bonne chaise, puis de pouvoir juste sacrer Plekanec au bout de ses bras, là. Ouais, ça, il faudrait qu'il le fasse. Ouais. Il faudrait vraiment qu'il le fasse. C'est peut-être pas le meilleur moment pour adresser le contrat de Carey Price parce que, écoute, c'est encore loin, mais il y a aussi des rumeurs comme quoi ça pourrait possiblement être la dernière saison de Max Pacioretty avec le Canadien de Montréal. Là, écoute, le monde, là, ça commence à jaser pas mal parce que là, on a vu l'augmentation de salaire de Price. S'il faut que, Pacioretty ait à peu près la même augmentation, ça ne fitera pas sur le plafond. Là. C'est alors, là, ça va donner 20 millions pour deux joueurs. Ça t'enlève un bon pourcentage de masse salariale, ça. Ouais. tu peux pas gagner avec des joueurs autant payés. Le Canadien n'est pas meilleur avec un Carey Price à 10 millions. Il n'est pas meilleur. Tu peux mettre, comme tu n'arrêtes pas de le dire, puis là, je vais défendre totalement ce que tu dis. Ben bon pour Carey Price, là, mais 10 millions, si tu peux le mettre dans 3 bons joueurs, tu ressors gagnant. Tu sais, 10 millions sur 3 joueurs, là, t'as possibilité d'avoir de quoi de pas pire. Ouais. À la limite, 2. C'est déjà meilleur pareil. Tu irais voir des joueurs à 5 millions ailleurs qui font beaucoup de points, qui peuvent être un gros centre. Peu importe comment tu dépenses ton 10 millions, ça va être mieux de le mettre ailleurs. Puis ta célèbre phrase, il y a tout le temps des goalers qui popent partout, ça va arriver encore cette année, ça. Tout à fait. Il n'y a pas de raison. Je fais juste, tu sais, regarder. Je suis allé sur Cap Friendly, puis je suis allé voir les contrats, tu sais, comparer le contrat de Carey Price. Puis là, ben, tu sais, on dit le meilleur match à 75%, c'est Lundqvist. OK, good. 8,5 de Cap versus 10,5, assez intense. Mais le pourcentage au moment de signer est à peu près le même. Par contre, dans les gardiens de but qui ont des salaires qui sont semblables et qui ont permis à leur équipe d'être compétitive, ben, tu sais, tu retrouves des exemples. Marc-André Fleury, qui est à 5,75. Il a gagné des coupes, là. Il a amené son club en finale. Est-ce que Fleury est un meilleur ratio talent-salaire que Price à 10,5 millions? Je pense que oui. Tu sais, comparons Ben Bishop. Ben Bishop va être à 4,9. Est-ce que Ben Bishop est vraiment moitié moins bon de Price? Je pense pas, là. S'il n'est pas blessé. Je penserais pas. S'il y a encore, là. Non. Ben, écoute, le meilleur exemple, je sais que c'est bon. Le comparable est vraiment moyen, là, mais t'aimes-tu avoir un Matt Murray à 900 000 dans ton équipe? Je sais que c'est un contrat de recrue, là, ouais, c'est vraiment ça. Pas le bon exemple. Mais reste quand même que le gars a 900 000 puis il a déjà 2 coupes cette année. Mm-hmm. Puis, tu sais, je continue parce que le comparable avec Murray, le fait qu'il est recrue dans un club élite, ça l'aide beaucoup. Avec l'offensive devant Carey Price est zéro comparable à l'offensive devant Matt Murray. Puis ça l'aide beaucoup. Mais la preuve est que jusqu'à maintenant, ben, un gardien de but moins bon que Price a régulièrement gagné la Coupe Stanley depuis le début de la carrière de Price versus lui. Pourquoi? Ben, parce que le talent d'un gardien de but semble moins avoir d'impact sur les succès d'une équipe que d'avoir un bon club. Je continue dans les comparables. Dominic, est-ce qu'il est vraiment 2 fois moins bon que Price? Non, il a passé beaucoup moins de temps dans l'organisation du Canadien, par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. Corey Schneider, tu sais, il est à 6 millions. Il est-tu vraiment 0.45 fois moins bon que Price? Non, tu sais. Mm-hmm. Crawford est à 6 millions. À Chicago, est-ce qu'il est vraiment lui aussi moins bon tant que ça, le moitié moins bon de Price? Je pense pas, là. Alors, qu'est-ce que t'as à gagner à avoir le gardien de but de loin le mieux payé de la Ligue nationale? T'as rien. T'as rien à gagner? Non. C'est littéralement de creuser ta tombe. Ah, ça va vendre du jersey en masse pour 8 ans, avec ça. Oui. C'est malheureux que ça soit ça le seul gain. Ouais, non, c'est ça, mais en tout cas, comme tu le dis souvent, les matchs se jouent dans les bureaux. Ouais. Hey, tu me permets-tu d'y aller avec un petit texte de Mathias Brunet? Il a publié mercredi 13 septembre un texte super intéressant. C'est un autre club de la Ligue nationale, mais tu vas voir comment est-ce que ça relaye super bien avec le Canadien de Montréal. Vas-y donc. OK. Fait qu'il parle de Drew Doughty qui se rétracte parce que il a mentionné que, pour avoir des bonnes chances d'avoir une Coupe Stanley supplémentaire, il serait prêt à aller voir ailleurs. Finalement, il s'est rétracté. Et donc, Mathias Brunet dit « Doughty, 27 ans, va avoir droit à l'autonomie complète à la fin de la saison 2018-2019. Il pourra alors toucher une substantielle augmentation de salaire. » Malgré le ménage qui a balayé le DG Dean Lombardi et l'entraîneur Daryl Sutter, l'optimisme ne règne pas dans le camp des Kings. Le nouveau DG Rob Blake et l'entraîneur John Stevens sont remplis de bonne volonté, mais le noyau du club vieillit. 6 des 13 attaquants de l'équipe ont 30 ans ou plus. Jonathan Quick a 31 ans. Outre Nick Shore, un joueur marginal, les Kings ne comptent aucun joueur de moins de 25 ans. C'est le prix à payer quand on a sacrifié 4 choix de première ronde en 7 repêchages depuis 2011 et qu'on n'a jamais repêché parmi les 28 premiers de cette même période de temps. Les prochaines années risquent d'être compliquées à Los Angeles, mais au moins l'équipe aura remporté 2 coupes cette année durant les années précédentes. Dans le descriptif que Mathias Brunet fait de la formation des Kings de Los Angeles, est-ce que tu vois comme moi un petit comparable avec le Canadien de Montréal? Quand même, oui. L'âge du gardien de but, le peu de relève. Là, tu sais, heureusement, en attaque, on a Drouin et Galchenyuk qui ont moins de 30 ans et qui ont des très, très belles années à venir. Mais il y en a un des deux que tu veux jeter aux poubelles depuis belle lurette parce que, semble-t-il, il est pas bon. Fait que ça s'annule. La défensive, on regardait là, ceux qui ont une chance de percer l'alignement du Canadien de Montréal, ils ont tous plus que 26 ans. Carey Price est à 30 ans, va quasiment doubler de salaire la saison prochaine. Le Canadien s'enligne pour tourner en rond. Ce que j'aime particulièrement du texte, c'est l'ironie de la chose. Mathias Brunet ne se gêne pas de dire « Hey, les Kings, watch out, ça va être plate longtemps parce que vous n'avez jamais pensé au futur. » Mais n'oserait peut-être pas y aller aussi fermement envers le Canadien de Montréal dans ses critiques. Mettons. Mais c'était Tommy de faire ce texte-là en parlant des Kings, mais en reflétant la réalité du Canadien. Je pense que c'était voulu que le décalage et la manière d'exprimer, de phraser son texte puisse montrer les comparaisons assez flagrantes entre les deux clubs. Mais c'est un très bon texte, puis justement, ça reflète la réalité des Kings comme ça va refléter la réalité du Canadien directement. Hein? Puis c'est pas les seuls clubs, là. Je veux dire, il y a d'autres clubs qui fonctionnent de la même manière, puis c'est une manière qui est pas très bonne. Tu sais, quand le monde dit que la porte du Canadien est ouverte, là, moi je m'excuse. Est-ce qu'elle était vraiment ouverte? Moi je pense qu'elle a été ouverte il y a 2 ans. Quand Subban était là. La saison de misère qui a amené à ce que le Canadien aille chercher chez Weber. L'année avant ça, donc il y a peut-être, là ça fait une saison ou l'autre, fait 2 ans, ouais. L'année d'avant, le Canadien s'est enfargé pile au pire moment. La blessure de Carey Price, tu sais, tout ça, là, ce slump-là était pile dans les meilleures années de... Écoute, le ratio salaire-talent de Pacioretty était à son meilleur. Le ratio salaire-talent pour Subban était... là, il venait d'avoir son contrat de 9 millions, mais le Canadien n'était pas bloqué sous le plafond salarial. Carey Price était au sommet de son art. C'est vraiment là que l'espace, la fenêtre était ouverte. Depuis, elle s'est fermée, là. Le Canadien est vraiment plus dans la fenêtre d'opportunité. Puis tout ce que je vois... C'est un futur très, très morose parce que écoute, ça fait 4 ans là, maintenant, 4 saisons qu'on le dit, ne cesse de répéter exactement la même formule en espérant tout d'un coup qu'il y ait magiquement du succès. C'est Einstein qui disait il faut être fou pour toujours répéter les mêmes actions et s'attendre à un résultat différent à chaque fois. Le Canadien répète toujours la même chose. Et s'attend à avoir tout d'un coup, magiquement, le succès escompté. Ouais, mais tu sais, cette année, on était chercher David Schlemko. Hein? J'aime qu'on sent à peine l'ironie dans ton... Moi, je dis que ça va tout changer. Schlemko, deuxième défenseur. Je pense aussi. Hey, petite question de même pour le fun, là. Est-ce que Plekanec finit la saison avec le Canadien de Montréal? J'espère que non. Pour vrai, là, non. Ben, comme je disais, parce que j'ai fait une session vidéo live, et d'ailleurs, je m'excuse pour l'écho, parce que la pièce dans laquelle, tu sais, le studio de la POC de Gatineau, on va dire ça de même, le studio est pas très insonorisé, parce que c'est une pièce qui est comme vide, il y a un bureau collé sur un mur, puis il y a rien d'autre, fait que le son rebondit super gros. Fait que quand j'enregistre, je prends un rack de linge, tu sais, pour sécher le linge, puis je mets une grosse doudou dessus. Fait que ça vient absorber le son pour enlever l'écho parce que sinon c'est juste c'est terrible. Puis je l'ai pas fait parce que ça aurait looké vraiment weird dans le live. Fait que ça sonne vraiment écho. Mais je disais sur le show que soit t'échanges Plekanec à la date limite des transactions et ça indique que le Canadien est pas dans la course pour faire les séries, soit on le garde puis ça implique que ben, il va finir la saison parce qu'on est dans la course pour les séries puis on veut pas vendre le talent. Dans les deux cas, on n'aura pas ce qu'on veut. Ouais, mais en même temps, là, je veux dire, je comprendrais tellement pas qu'il le garde parce que, imagine, tu l'échanges, ça te fait de la place sur la masse salariale. Si le 8,4 millions n'est pas dépensé, ça t'en fait deux fois plus. Puis, tu peux pas me dire à moi qu'un jeune comme Charles Houdon ou Michael McCarron peuvent pas prendre la place de Tomáš Plekanec. Mais non, ils font des erreurs. Ah non, Plek aussi, mais c'est pas grave, c'est un vétéran, ça compte pas. Je veux dire, Tomáš Plekanec, c'est combien de points ça l'année passée? Genre 12? 28? Bon, et c'est un petit peu mieux que ce que je pensais, mais Chris, c'est pas assez. C'est pas assez pour un joueur qui est habitué habituellement de nous en donner dans les 50 en moyenne, tu sais. Puis, oui. L'année passée, il était même pas bon défensivement. Je vous ai. Je suis plus capable de Plekanec. C'est bien plate, là. C'est un gars qui a passé toute sa carrière à Montréal. Il a quand même des bonnes saisons, mais c'est fini. Je veux dire, arrête. C'est passe à autre chose, Bergevin. Échange-le. T'as des jeunes qui font que pousser. Charles Houdon, là. Ça va. Moi, j'ai peur que Charles Houdon devienne le prochain André Gatto, genre. J'avoue que la ressemblance fait beaucoup de sens. Parce qu'André Gatto, là, quand il a été échangé, c'était solide. Là. Je veux dire, il était bon là, dans un club assez moribond. Là. Parce qu'on va se dire que l'Avalanche Colorado, l'année passée, c'était assez moyen. Mais lui, il a quand même été capable de tirer son épingle du jeu. Pourquoi il est capable de faire 16 points en 19 games au Colorado? 15 points, pour être précis. Non, il en a fait 16. Ben, HockeyDB dit 15. Ben, NHL.com dit 16. Ben là, qu'ils se battent! Fait que, bref, peu importe, 15 ou 16, ça va être quand même pas pire. Tu sais, à Montréal, il a joué 27 games l'année passée. Hey, 15 en 19, là, ou 16 en 19... C'est pas loin d'un point par match, ça, là. Ben, parle. C'est ça. Pourquoi? C'est drôle, on n'en parle pas de ça que... Ben non, c'est pas à Montréal. Donc, c'est dangereux. On en parle juste quand les gars, ils ont pas des bonnes performances ailleurs pour dire « Ah, check! Comment est-ce qu'on a bien fait de l'échanger? On est vraiment mieux à Montréal. » Puis André Gatto va avoir une très bonne carrière au Colorado, j'en suis certain. Je pense. Puis Houdon, ça va donner la même chose cette année. Ils vont le faire jouer. Le pire, c'est qu'à Montréal, il joue sporadiquement des deux games, trois games, puis il y a quasiment un point par match à chaque fois qu'il vient jouer à Montréal. Là. Même si c'est des passes, c'est correct. Ouais. Il fait de quoi, tu sais? Mais bon. Fait que Houdon est le prochain André Gatto du Canadien. Je pense aussi. Le gars, il va se tanner, m'amener, là. Ben, il s'est obligé, là. C'est triste. Ouais. Jerry, t'avais-tu d'autres sujets? Oui, ben, en fait, je pense qu'on en a parlé quasiment dans tout ce qu'on parlait depuis tantôt. Je regarde mes affaires, mais tu sais, en tant que tel, on va revenir un peu là, sur l'attaque. On va parler à chaque émission, on parle des rumeurs, on parle de si, fait que je vais embarquer là-dedans parce que j'aime ça, spéculer, c'est le fun. Puis en même temps, bon, il y a tout le temps des noms qui sont rattachés au Canadien de Montréal. C'est obligatoire. Peu importe ce qui se passe, tout le monde... Puis en plus, il y a 8,4 millions disponibles, fait que le monde trippe un peu trop. Les rumeurs, là, c'est comme les routes qui passent toutes par Rome. Chaque rumeur dans la Ligue nationale se doit éventuellement d'inclure Montréal. De passer Montréal. C'est obligé. Puis c'est une loi inébranlable. Ça, puis Einstein, là, c'est, même, c'est béton. Les deux plus gros noms reliés au Canadien de Montréal depuis certains temps, et c'est c'est sûr que c'est facile de les relier à Montréal parce que, bon, conflit pour un prochain contrat, conflit avec l'équipe en général. On parle d'Andrigetto au Colorado, ben il y en a qui sont pas mal moins contents au Colorado. Puis là, on parle de Matt Duchene qui menaçait de ne pas se présenter au camp d'entraînement. Là, ça a l'air qu'il s'est ravisé, là, il est au Colorado, il va probablement participer au camp d'entraînement. Je pense qu'en même temps, il est pas con. Je veux dire, il va probablement jouer puis juste espérer se faire échanger au plus vite, ce qui serait logique. En même temps, Josaki qui a de l'air gourmand sur un moyen temps avec ce joueur-là. Il y a aussi un autre nom qui est relié à Montréal parce que, bon, prolongation de contrat, ça a l'air que ça stagne beaucoup. Et là, je parle de John Tavares. En partant, là, on va mettre une petite bémol là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui voit Tavares à Montréal. De un, si ça passe par un échange, je vous confirme qu'on n'a rien pour aller chercher. Et si ça s'en va au marché des joueurs autonomes, je vous confirme que ça coûte à peu près 10-11 millions. Et là, ça revient au même que ce qu'on parlait tantôt avec Pacioretty. Si tu payes Pacioretty 7 millions et plus, tu prends tellement de place sur ta masse salariale que je crois que ça ne vaut pas la peine d'avoir un joueur comme John Tavares. Mm-hmm. Aussi bon soit-il, John Tavares à 11 millions à Montréal et un Carey Price à 10 millions, ça te laisse environ 50 millions pour fouler 20 autres jerseys. C'est trop peu pour former un bon club compétitif. Puis tu sais, il n'y aura pas juste lui à signer là, dans les prochaines années. Si tu veux garder Drouin, c'est bien le fun qu'il signe aussi longtemps. Gatchenier qui signe pour un petit bout aussi, ça c'est plaisant. Mais reste quand même que il te reste quand même d'autres jerseys à fouler. Là. Ouais. Puis ça marchera pas tout le temps. Là. La formation des Islanders, s'ils avaient été dans l'optique de potentiellement échanger Tavares, ils croiraient être en ligne pour le perdre éventuellement comme UFA, n'aurait pas été chercher Eberle. Non, c'est sûr. Eux, ils veulent minimalement avoir du succès à court terme pour pouvoir plaire à John Tavares. Ce qui, pour moi, écoute, je suis pas convaincu que c'est la meilleure chose à faire. Ils ont beaucoup de jeunes talents très intéressants qui s'en viennent, je pense à Sébastien Eho, Mathieu Barzal, Michael Dalkel, Joshua Osang. Il y en a plusieurs là, qui ont vraiment de l'allure. Et dans cette lignée-là, si, mettons, l'an passé, il n'avait pas été chercher Eberle versus Strome, rajoute Strome dans les potentiels éventuellement, il aurait pu avoir une excellente attaque très, très jeune. D'ailleurs, même en défensive, ils ont quelques talents fort intéressants. S'il n'avait pas fait l'échange pour Eberle, ce qui aurait pu faire du sens beaucoup, beaucoup, beaucoup pour eux dans une volonté de maintenir une formation jeune et de riser tous ensemble, ça aurait été d'aller chercher Galchenyuk. Galchenyuk, un premier choix pour Tavares, je pense que les deux clubs l'auraient fait. Ouais, mais en même temps. Mais là, ça n'arrivera pas parce que ça ne fit pas avec le but, avec le fait d'avoir été chercher Eberle. Fait que ça n'arrivera pas, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, Eberle et Tavares se connaissent, c'est des amis. Fait que je serais pas surpris que c'est Tavares qui fait si tu veux que je reste, va racheter que j'ai un club, puis check Eberle, là, va me chercher. T'sais. Non, ça n'a pas été fait à l'aveugle, ça, c'est sûr. C'est sûr que non. Puis, Eberle, tu sais, c'est pas un mauvais joueur. Il a peut-être pas atteint le potentiel qu'on pensait qu'il aurait, mais un joueur respectable. Est-ce qu'il va être, d'après moi, il va être meilleur s'il est jumelé à Tavares, là, on va se le dire. Là. Tavares, c'est quand même une étiquette de joueur de franchise. Mm-hmm. Mais d'après moi, ça va mieux aller, mais ça veut pas dire que ça va mieux aller à New York. Là. Ça, c'est sûr que je. Je suis même pas sûr que je vois les Islanders en série cette année non plus. T'sais. Ouais. Mais sinon, pour ce qui est du Duchene, même chose. Je veux dire, à moins qu'il ait baissé drastiquement ses demandes parce que ça a l'air qu'il demandait pas mal de choses. Là, tu parles de Sakic qui demandait. Oui, effectivement, Sakic. Fait que, tu sais, j'ai le feeling que ça. Encore là, le gars, 6 millions, va bientôt signer un nouveau contrat, va probablement demander encore plus. Écoute, je discutais avec Max dans les coulisses. Dernièrement, j'essaie de le retrouver, là, mais il avait parlé, tu sais, une transaction un pour un, Galchenyuk contre contre Duchesne que lui, il ferait. Puis là, j'ai, moi, je suis comme, non, tu sais. Puis, comme argument, j'ai avancé le fait que, ben, tu sais, la saison dernière, la production de points par, par dollar investi était largement à l'avantage de Galchenyuk. Galchenyuk a produit plus pour un moins gros salaire, puis son salaire va être encore moindre encore cette année. Donc, l'avantage se maintient. Et là, il disait, ouais, mais tu sais, une saison, c'est pas tout. Puis, en fait, ça fait deux saisons que Galchenyuk produit plus que Duchesne. Alors, en quoi c'est censé être une amélioration de la situation du Canadien de Montréal d'aller chercher Duchesne? Parce que c'est supposé être un vrai premier centre ou un vrai centre? Ben écoute, on le fait, le comparable, on a regardé, puis si tu parles statistiquement, là, Galchenyuk est un meilleur centre que Duchesne. Il n'y a pas d'avantage. Plus jeune, coûte moins cher. Il n'y a aucune raison de le faire. Alors, je comprends pas. Je comprends pas que cette rumeur-là persiste encore. Ben, parce que les gens, les garçons de rien de ce monde veulent échanger Galchenyuk, comme pas ses mises en jeu. Je serais surpris de voir à quel point Duchesne gagne ses mises en jeu. Écoute, quand tu as dit ça, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre pour taper NHL.com. Ben, face-off, je pense qu'il il gagne 62%. OK. OK. Crosby, mais tu sais, le Colorado a fini à la fin de la ligue. Là. Je veux dire, c'est pas Duchesne qui les a fait gagner. Là. Non. Puis, tu sais, check Crosby, voir combien de face-off qu'il gagne. Pour le fun. Là. Ben, il me semble qu'on avait vu. C'était-tu en série? Je pense qu'il était dans les 40% ou de quoi dans le genre, non? Oui, oui, oui. C'était proche de là, je pense. Puis même, écoute, même dans la saison, c'est 48%. Il n'y a aucune saison à 60%. Tu sais, il se maintient en moyenne dans les 50%. Mm-hmm. Mais, en tout cas, par même temps, c'est Crosby. Je veux dire. Mais je comprends pas ce hate envers Galchenyuk. Je comprends pas le hate envers les jeunes joueurs qui sont bons dans la Ligue nationale. À Montréal. La différence est là. Parce que comme on l'a vu avec Davidson et Beaulieu, si les gars viennent d'ailleurs, là, ils ont du potentiel. Ouais. Ça donnera rien à Montréal. Ouais. Moi, je serais pour passer aux différents sujets qui nous ont été soumis par notre public en délire. Oui, ben ça serait une bonne idée. Ouais. Là, il y a un dude là, qui a demandé à quel point Jerry est super sur la coche. Fait que là, moi, j'ai demandé si c'était en kilomètres ou en grammes qu'il voulait le savoir, puis il a pas répondu. Fait que... Mais c'est vrai que Jerry est sa coche. Oui, oui. Assez, vraiment. Assez pour que je veuille faire un podcast avec lui, même s'il est à plus de 200 kilomètres de moi. On a déjà fait un ensemble. Oui. On était face à face. C'est vrai, ça. Expérience à refaire. Tout à fait. Ça pourrait se faire. Ça s'organiserait. Jonathan Turcot nous demande « J'aimerais que vous parliez de l'impact qu'aura la perte de Dwight King sur la formation. » Et j'ai lu cette... j'ai marqué ça en dessous, mais j'ai lu ce commentaire sur mon téléphone en prenant une gorgée. J'ai failli m'étouffer. C'est à quel point je trouve cette question avec une touche d'humour. C'était parfait. Merci, Jonathan. Non, pour vrai, zéro une barre. Mais tu sais, faut dire là, que le Canadien, aujourd'hui, a moins d'anciens gagnants de la Coupe Stanley qu'en playoff l'an passé. Clairement, l'équipe est moins bonne. Right? Ouais. Parce qu'en même temps, l'équipe va beaucoup plus vite depuis que Dwight King n'est plus là. Ouais, j'avoue. Luc Desormeaux nous demande, est-ce que Jeff Molson est goûteur chez Molson? Je sais pas. Pourquoi? Il faut être vraiment... OK, oui. Je vais lire jusqu'au bout. Il faut vraiment être sous pour croire que Bergevin a fait une bonne job et qu'on a un meilleur club que l'an passé. Il dit, OK, à part le move pour Drouin. Puis encore là, faut amener le petit bémol que c'est dans l'immédiat parce que Sergachev peut pas... aura pas un impact comparable à Drouin cette saison. Mais dans 3 ans, peut-être que les deux, ça va être équivalent, voire que ça va pencher pour Sergachev. Mais imagine que Sergachev... Imagine Sergachev, cette année, il fait le club. Finit la saison avec 50 points parce qu'il est jumelé à Edman, mettons. Là, on exagère, là, mais... Ah, pas tant! Je serais pas surpris, non, mais, pour vrai. Là. Mais imagine, Bergevin, il fait quoi? Mm-hmm. Il va capoter. Ah non, c'est clair. Puis... Il échange Subban pour Weber, Subban sera en finale. Il échange Sergachev pour Drouin, puis Drouin, Sergachev finit la saison avec 50 points. Ouais. Ce qui peut... Écoute, ce qui va toujours jouer positivement pour moi, pour Bergevin dans cette transaction-là, c'est que le manque, au moment de la transaction, le manque flagrant du Canadien de Montréal était un attaquant top 3. Ce que Drouin est, a le potentiel d'être. C'est juste qu'est-ce qu'il perd tous ses défenseurs. C'est ça, exact. Tandis qu'à la défense, à ce moment-là, t'avais Weber, t'avais Petrie, name it. Sauf que là, la défensive s'est désagrégée et ton meilleur prospect, tu l'as envoyé ailleurs. Non, c'est ça. Fait que, disons que c'est moins. La transaction aujourd'hui fait beaucoup moins de sens parce que l'attaque est pas mal moins dégarnie, même sans Drouin, que la défensive sans Sergachev. Du moins, c'est mon impression. Non, le pire en plus, c'est que Tampa Bay, Stamkos n'a pas joué l'année passée. Hein? Mm-hmm. Ouais. Imagine que tu remets Stamkos. Ah ouais. Puis il y a eu d'autres blessés aussi. Là. Pour vrai, ça n'a pas été une année facile. C'est un gros trébuchage pour le Lightning. Mais cette saison sont probablement, avec les Pingouins, les deux clubs qui ont le plus de talent brut. Donc, qui potentiellement pourrait se rendre en finale de la Coupe cette année. Moi, le Lightning se rendra en finale, que je serais pas surpris. Là. Non, vraiment. Ben, tout le monde en santé. Le club est parfait. Là. Kucherov qui garde en mettre dedans. Johnson, s'il n'est pas blessé, c'est un très bon joueur. Stamkos. Edman est dans le top 3 des meilleurs défenseurs de la Ligue, là, on va se le dire là, en ce moment. Oui, oui, oui. Il est assez solide. Fait que tu sais... Moi, je serais comme toi, je serais vraiment pas surpris qu'il y ait un autre présence en finale de Coupe Stanley cette année. Tu sais, fais juste regarder avec Vasilevski dans les buts qui est jeune, très gros potentiel, qui a quand même bien fait là, l'an passé malgré l'absence de Stamkos. En défensif, Edmund, Strawman, Colburn, Girardi et Suster, puis t'as Dutchin et Cuckoo qui sont comme les numéros 7 et 8. Rajoute à ça Sergachev qui est capable de venir brasser les cartes un peu, puis t'as clairement pas une mauvaise défensive. Là. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Je serais vraiment pas surpris. Ce qui fait en sorte que aujourd'hui la transaction, pour moi, est pas mal moins un one-way comme on pensait au moment où est-ce qu'elle est survenue. Là. Alors, si on revient à la question, comment est-ce que Mawson peut croire que Bergevin a fait une bonne job cet été et que le club est meilleur? Ben, faisons un lien avec la question que je disais tantôt par rapport à la défensive. Moi, je pense que Bergevin va mourir avec cette défensive-là. La fenêtre, s'il y en a encore une là, c'est pas mal la dernière année parce que l'an prochain, il va y avoir moins d'espace sur le plafond salarial pour ajouter du talent. Et clairement, on voit qu'il en manque du talent dans cette formation. Fait que... Le pire, c'est que je comprends pas parce que t'es agent libre. Tu dis que t'as Carey Price comme goaler, t'as Shea Weber à défensive, puis t'as Patrick Ricard en mettre une trentaine, si c'est pas plus, dans le net. C'est pas censé être attrayant comme marché. On dirait que c'est une question de même là, qui vient de me popper. Là. Pourquoi qu'on n'est pas capable d'attirer autant de meilleurs joueurs? Parce que Carl Eisner, pour moi, c'est correct, là, mais c'est pas la crème de la crème. Là. C'est une question. Il doit y avoir autre chose. Ouais. Puis, tu sais, on parle souvent des impôts, on parle souvent de la pression des médias. Ouais, non, des ça, j'ai bien. Non, ça, les impôts, pour moi, c'est vraiment pas un bon argument. Oui, les fans, mais là, en même temps, tu joues au hockey, pourquoi? La pression, tu vas noir dans n'importe quel marché, c'est juste qu'elle est différente. Puis, rapidement, là, tu sais, regardons comment est-ce que les UFA considéraient Edmonton il y a 3 ans versus l'an passé. Puis il y a 2 ans. McDavid a tout changé. Des perspectives de gagner des coupes, ça change vraiment l'intérêt des joueurs. Alors, la question est à se demander, est-ce que les joueurs dans la Ligue nationale sont plus conscients qu'on le pense des limites du club que le club lui-même semble être? Je pense que oui. Les failles sont pas mal plus flagrantes qu'on ose le dire dans les médias qui couvrent le Canadien de Montréal. Oh, mais les médias, le Montréalais, non? Ouais. Tu sais, tu regardes, j'ai l'affiche là, devant moi, là, les contrats sur Cap Friendly de la formation du Lightning de Tampa Bay. Puis dis-moi, en tant qu'agent libre, que tu vas choisir Tampa Bay après Montréal. Si c'est les deux seules offres que tu as, le même salaire. Tu prends Tampa. Talent wise, tu prends Tampa, tu sais. Bien plus de chances d'avoir une Coupe Stanley à Tampa Bay. Ben oui. Ça, c'est même à Toronto avec un club plus jeune. Tu sais, Marleau, là. Hey, il n'est pas allé là pour rien, là. Ben non. Hey, ce gars-là, il se voit-tu gagner une coupe dans les trois prochaines années? C'est clair qu'il en gagne au moins une. Je le garantis. Moi, je suis surpris que Marleau et Thornton aient pas décidé de partir en package et de signer les deux à Toronto. Ben, c'est parce qu'en même temps, il faut que tu checkes le. Ben, je suis pas sûr à ce point-là qu'à Toronto, il y aurait eu de la place pour deux. Ben, Marleau peut jouer à l'aile. Non, mais s'il avait descendu les demandes salariales un peu, tu fais un genre de 6 millions 2 ans pour les deux, ça aurait fait du sens, là. Parce que là, il a signé 3 ans, 8 millions. C'est un contrat. C'est ça, 6,25 millions. Moi, je suis convaincu que ce contrat-là va venir nuire à la formation des Maple Leafs de Toronto dans. Même pas. Tu sais, cette année, ça va être correct. L'an prochain, ils sont dans le trouble. Peut-être. Dans les joueurs qu'il faut qu'ils re-signent, Van Riemsdyk, Bozak, faut que tu re-signes. Kadri, il me semble. Nylander. Aussi. Ouais, Nylander lui va demander cher. Marinsin. Puis l'année d'après, c'est Matthews puis Marner qu'il faut que tu re-signes. Tu sais, Ouais, Matthews, d'après moi, ce gars-là va avoir une prolongation de contrat assez facilement puis assez rapidement aussi. Oui, tu sais, de l'ordre un peu à la McDavid, là. Si ça se maintient. Ah oh, ouais, facile. C'est 10 millions et plus. Ouais. C'est obligatoire. Mais ce gars-là, c'est le visage de la franchise pour les prochaines années, là. Exact. Fait que je pense que le contrat de Marleau est un an trop long. Ah, peut-être, mais bon, ça se rajoute un contrat ou ça se met au balotage ou ça s'échange. Ouais. Je pense que Marleau va trouver preneur. Regarde, Toronto appelle à Montréal et dit « J'ai Marleau, tu le veux-tu? » Il me semble que tu le voulais, voilà, 10 ans. Puis regarde, on va donner Gatchinpo, là, je vous ai rendu là. À suivre. Moi, plus j'y pense, moins je suis convaincu que Bergevin va finir la saison. Alors, ben... Ça dépend. C'est ça l'affaire. C'est, oui, je sais que t'aimes pas nécessairement qu'on dise ça, que ça se joue sur un coup de dé, mais ça peut bien aller. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on est passablement négatif, là, on va se le dire. Là. On voit pas le Canadien super-héros dans le classement. Tant mieux si ça arrive, puis si ça arrive grandement à cause de Carey Price. Mais justement, Carey Price se blesse, que ce qui arrive cette année, c'est foutu. Là. Tout à fait. C'est fini, là. Hey, imagine, pour le fun, là. Charlie Lindgren devient ton numéro 1. Ouais, tu sais, imagine. Tu le mets au balotage l'année d'après comme Mike Condon parce qu'il est pas capable de faire la job de Price. Je veux dire, tu capoterais ta vie, là. Imagine Weber se blesse. Hey, t'as une défensive de pochetron, là. Ah, en fait, on n'a plus de défensive. C'est fini, là. Je veux dire, il n'y a plus rien, là. Jean-Michel Brière nous demande, et là, faisons un lien avec la question sur King de tantôt, combien Markov va manquer à l'équipe cette année? Moi, je pense que ça va être beaucoup. On va s'ennuyer de son apport offensif et des minutes qu'il était capable de prendre sur la deuxième paire. Honnêtement, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que bon, ils vont s'adapter, ils vont sûrement trouver un moyen de combler ces minutes-là. Ils vont probablement tout les donner à Schlemko, mais ça va être vraiment quelque chose, la perte de Markov. C'est un gars qui est habitué du marché, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, là. Le gars a grandi dans le marché montréalais. Il sait que c'est. Il comprend la game. Il a tout le temps été très bon à Montréal. c'était un top 2 tout le long de sa carrière à Montréal. Puis là, justement, il vient de lâcher un méchant trou dans la formation du Canadien à la défensive en mettant un absent, justement, sur le top 2. Je pense que Shea Weber aussi va s'en ennuyer extrêmement sur le power play. Va falloir qu'il trouve quelqu'un qui est capable de faire des belles petites passes pour la shotter au net. Parce que l'année passée, il a fait 17 buts là, chez Weber. Je serais curieux de voir le nombre de passes que Markov y a fait sur ces buts-là. Ouais. Ça va être quelque chose. Mathieu Petit nous demande, puis là, il y a comme plusieurs sous-questions. Là. Hudon va-t-il jouer, si oui, où? Lekkonen, ailier gauche ou droite? Galchenyuk à l'aile pour un rebond ou pour de bon? Drouin au centre pour la saison pour faire avec comme avec pour pas faire comme avec Galchenyuk et la brigade défensive avec Schlemko comme deuxième défenseur d'après Bergevin. Donc plusieurs petites questions. Moi Lekkonen, je le vois à droite parce que Galchenyuk tant qu'à le mettre à l'aile, je le mets à gauche. C'est là qu'il a eu le plus de succès sur les ailes. Fait que je verrais sur un même trio Lekkonen et Galchenyuk avec un centre qui pourrait être Dano. Parce que t'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Tant qu'à pas mettre Galchenyuk au centre, Medano. Ensuite, Drouin au centre pour la saison. Ben, comme on a dit plus tôt, écoute, moi, je suis loin d'être convaincu. Ça fait loin, là, avant Junior comme joueur de centre pour débarquer maintenant dans la Ligue nationale puis jouer comme centre. Je veux bien là, que là, les médias, tout le monde est optimiste puis le Canadien, ouais, il va jouer au centre. Je suis loin d'être convaincu. Je pense qu'ils vont devoir réaliser que Galchenyuk est un premier centre puis Drouin. Moi, j'ai pas de problème, mais je pense qu'il peut faire office plus au centre de deuxième, pas comme premier. Mais si on est d'accord, ben à la limite, là, moi, si Gatchin, tu mets au centre, tu mets Drouin à droite. Je pense aussi, tu sais, Pacioretty, Galchenyuk, Drouin, oui, tu mets tous tes yeux, tu mets tes yeux dans le même panier, tu mets tes œufs dans le même panier, mais reste que ce trio-là va être dominant, là. Ça va être un trio élite, là. C'est élite. Puis le deuxième trio va pas être si mauvais, là, avec un Lekkonen, Dano, Gallagher. Parce que, ça, c'est un autre... J'ai comme oublié de le prendre en note, mais je voulais en parler. Avec la perte de Radulov, là, Gallagher va prendre beaucoup plus de place dans l'alignement du Canadien, là. S'il se blesse pas. Est-il capable, tu sais, avec sa main droite qui a été opérée deux fois, est-il capable d'assumer un rôle à nouveau comme joueur offensif? Ben peut-être. Gros point d'interrogation pour moi. Là. Oui, effectivement. Très, très gros point d'interrogation. Mais c'est quand même un joueur qui nous a habitué à marquer environ 20 buts ou proche du 20 buts. L'année passée, c'était pas une bonne saison. Mais Lekkonen a joué à droite un peu, il a joué à gauche, Gallagher était blessé, Radulov prenait beaucoup plus de place à l'attaque. Puis tu sais, Radulov prenait beaucoup de place aussi sur le power play. Gallagher là, faisait beaucoup de trucs sur le power play avant. Tu sais, si tu regardes, Gallagher, 9 buts, 8 buts, 10 buts. Ça, c'est des avant la saison dernière, là, c'est ce qu'il faisait en power play. L'année passée, 3. Tu vois que le ratio est vraiment pas pareil. Puis même avec une main blessée, là, beaucoup moins de temps de jeu sur le power play. Puis ça, je suis sûr que c'est... Ah, même pas, c'est même pas les power play goals, c'est les power play points. Fait qu'en partant, pareil, il contribuait beaucoup moins au power play. Fait que s'il joue plus cette année, ça va refléter dans ses stats. Ça. On est loin du temps où est-ce qu'on se disait « Ah, écoute, Gallagher, ça fait du sens dans un comparable avec la petite peste de Boston, là. » Ah non, vraiment pas. Je veux dire, Marchand, là, ben beau que je l'haïs puis je le déteste, là, Marchand à Montréal, là, le club serait différent sur un moyen temps, là. Gallagher Marchand, c'est vraiment pas le même joueur. Non, vraiment pas. Mais, tu sais, s'il fait son 50 points, ish, 45-50, on va être bien content. Ah ouais. Le problème, c'est que deux blessures à la même main, deux opérations. Ouais. Il a 25 ans, puis il est magané déjà pas mal. Une transaction ne serait pas de trop. Même chose pour Shaw, avant que tout le monde se rende compte que... Mais Shaw, je suis optimiste dans son sens, lui, pour vrai. C'est, je sais que tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, là, mais je sais pas. Shaw, avec le système de Claude Julien, peut-être que ça peut aller. On verra. Meilleure saison de chat il y a 4 ans. 39 points avec, avec Chicago. Loin d'être convaincu. Mais si tu regardes Marchand, il a déjà fait 36, 53, 42, 70. Là, il a fait 85 points l'année prochaine. C'est chaud. Peut-être le prochain Marchand. À 3,9, ce serait une Papa et Robin. Écoute, Frédéric, il se découvre des super pouvoirs tout d'un coup, là, mais, ouais, mais je suis pas convaincu de ça trop. Là. Je tiens à rappeler que j'ai déjà prédit 57 buts à Pacioretty. Donc, oui. C'est ça. Mais c'était sur 30, 4, 30 c'était sur 2 saisons. Ah oh, oui, ben oui, c'est sûr. Ouais. OK. C'est ce qui fait le tour pour les commentaires, les questions du public. Jerry, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? On peut me retrouver sur Facebook. Si vous voulez parler de hockey, je suis toujours ouvert aux discussions. Donc, Jerry Godbout, je m'écris un petit message comme quoi vous me connaissez de la POC. Je m'en allais dire hors-jeu. Encore des vieux... Des relents du passé. Ouais, vraiment. Sinon, sur Twitter, @Godbout25, même chose. Pas un plus présent sur Twitter quand il y a des grosses dates d'hockey. Sinon, je suis pas mal tout le temps là. En gros, c'est pas mal ça mes projets. Sur la POC, sur la page aussi, si vous voulez nous écrire. Sinon, j'imagine que toi aussi, si on veut parler d'hockey avec toi sur Internet, c'est faisable. C'est faisable sur Facebook, JB Gagné, sur Twitter, @gangj_b. Vous pouvez me retrouver aussi dans mes différents autres projets, le magazine général et la réalité augmentée, deux excellents podcasts que j'anime. Et c'est pas mal ça. Sinon, si vous passez dans le coin de Gatineau, dites-moi, allez, là, écoute, on va s'organiser quelque chose. Le prochain enregistrement, parce que la POC va être aux deux semaines, donc bimensuel. Et le prochain enregistrement sera le 28 septembre prochain. À ce moment-là, le Canadien aura joué 6 parties hors concours. Bruins, Caps, Devils, les Sens et Toronto deux fois. Donc, on aura à ce moment-là un meilleur regard sur la formation du Canadien de Montréal. Il restera deux matchs en concours, un contre les Pens et un contre les Sénateurs. Et la saison s'approchera très, très rapidement par la suite. Donc, on aura à ce moment-là pas mal plus d'informations. Si Bergevin veut y aller d'une transaction pour aller chercher un défenseur numéro 2 avant la saison, le début de la saison, ça serait pas mal le temps, là. Donc, c'est à suivre sur le prochain épisode de La POC. Merci beaucoup, Jerry, pour ton temps encore une fois cette fois-ci. C'est merci à toi. C'est toujours un plaisir. Ça fait du bien que la saison soit recommencée. J'ai hâte de voir l'évolution du Canadien et d'en parler avec toi. Merci beaucoup, les auditeurs. On vous souhaite une excellente saison de hockey 2017-2018. Nous serons au rendez-vous aux deux semaines pour La POC et on vous dit à la prochaine fois. Bye-bye! Ciao, là. yourself in the living room. Your pipe and slippers set out for you. I know you think that it ain't too far, but I hear a call of a lifetime ring. Felt the need to get up for it. Now I'm cut out the middleman. You're free from the middleman. You got no time for the messenger. Got no regard for the thing that you don't understand. You got no fear of the underdog. That's why you will not survive. I wanna forget how convention fits, but can I get out from under it? Can I cut it out of me? Oh. It can't all be wedding cake. It can't all be boiled away. I try but I can't let go of it. Can't let go of it. Cause you don't talk to the water boy. And there's so much you could learn, but you don't wanna know. You will not back up an inch ever. That's why you will not survive. That I tell you now, it may not go over well. Oh, and it may not be thought of well. No way that I spell it out. But you won't hear from the messenger. Don't wanna know about something that you don't understand. You got no fear of the underdog. That's why you will not survive. Right?